Ndikomanyanga. Bienvenue, chers auditrices, auditeurs de la radio Sangamiro, à ce journal édition de la mi-journée de ce 29 octobre 2020, dont voici d'abord le sommaire. Le chef de l'État burundais a décrété depuis le 22 octobre un comité chargé de lutter contre la propagation et la contamination du Covid-19. Vous aurez les détails dans ce journal. L'association des boulangers artisanaux du Burundi sont inquiétés par la hausse du prix de la matière première, la farine et de blé compris, et craignent la hausse du prix du pain si rien ne change sur le marché. Et le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni est devant le Parlement burundais depuis la matinée de ce jeudi, en train de présenter le plan stratégique 2020-2021. Bienvenue à ce journal dont la mise en œuvre est assurée par Eli Kadoko. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Un comité chargé de lutter contre la propagation et la contamination du Covid-19 au Burundi a été mis en place par décret présidentiel le 22 courant. Piloté par le ministre de l'Intérieur, ce comité qui débute avec sa mise en place et prendra fin à l'éradication du coronavirus. Les frais de fonctionnement sont à charge du gouvernement, le point avec Émeric Kanyang. Ce décret présidentiel du 22 octobre mettant en place ce comité précise qu'il est placé sous la tutelle de la présidence de la République du Burundi avec un mandat débutant avec la mise en place du comité et qui prendra fin avec l'éradication du coronavirus. Le comité a pour mission de proposer les mesures nécessaires pour prévenir, limiter et lutter contre la propagation du coronavirus, s'assurer que les mesures prises contre le coronavirus sont mises en œuvre, évaluer régulièrement la situation dans tout le pays et proposer les mesures à prendre. L'émission, c'est également d'informer la population sur l'évolution de la pandémie du coronavirus dans le pays et dans le monde et sur les barrières sanitaires à observer, de suivre l'évolution de la pandémie du coronavirus au niveau mondial et proposer les mesures adéquates au gouvernement pour les adapter. Ce comité poursuit ce document, accorde une attention particulière aux zones les plus exposées, notamment les frontières terrestres, maritime et l'aéroport international Melchior Ndadaye. Ce comité de crise chargé de lutter contre la propagation et la contamination du coronavirus est composé de 11 membres. C'est le ministre de l'Intérieur, président de ce comité, le ministre de la Santé publique en tant que vice-président, le chef de bureau chargé de l'information et des communications à la présidence de la République, secrétaire du dit comité, les ministres des Finances, des Affaires étrangères, des Affaires de la communauté est-africaine, de la solidarité, de la défense nationale et des anciens combattants comme membres, du secrétaire général de l'État, de l'administrateur général du service national de renseignement, du secrétaire permanent du Conseil national de sécurité en tant que membre. Les frais de fonctionnement de ce comité sont à la charge du gouvernement et les membres perçoivent des honoraires dont le montant est fixé par l'autorité compétente, précise ce décret présidentiel. En matière de lutte contre le coronavirus au Burundi, en date du 8 octobre courant, lors de la présentation et évaluation de la situation du Covid-19 sur le territoire burundais, le chef de l'État a précisé que jusque-là, près de 4 millions de dollars américains ont été dépensés pour lutter contre ce virus. Le numéro 1 burundais a en outre annoncé la construction de 119 centres de dépistage et de prise en charge des cas de Covid-19 dans toutes les communes du pays et pour un montant avoisinant les 45 millions de dollars américains, soit 80 milliards de francs burundais. Merci à Mireille Kanyang pour tous ces détails. En page éducation, 1480 candidats passent ce jeudi le concours de master édition 2020-2021. Ce concours se déroule dans trois sites, à savoir le campus Mutanga, le campus Shirohiro et l'hôpital Roaraled. David Nahimana, doyen de la faculté des sciences et des organisateurs, signale qu'ils ont besoin de plus de 400 candidats. Suivez-le au micro de Jean-Marie Mayong. On attendait 1480 candidats. Au moment où on se parle, tous les candidats sont en train de passer le concours. Dans les trois sites, à savoir le site Campus Mutanga, Campus Rohero et le site du Centre Hospitalier Universitaire de Kamenge où est logée la faculté de médecine. En général, tout se passe correctement. Nous avons connu juste quelques défis liés au respect du temps. mais c'est gérable. On a commencé avec un retard d'un peu plus d'une heure. Sur les 1480 qu'on attendait, tout le monde n'est pas là. On a déjà constaté qu'il y en a qui ne sont pas venus et nous étions déjà au courant qu'il y a des candidats qui proviennent des pays voisins comme la République démocratique du Congo qui ont eu des défis de traverser la frontière en raison de la pandémie du coronavirus. Sur les 1480 candidats attendus, on a besoin de 480 environ. C'était le doyen de la faculté des sciences, interrogé par Jean-Marie Mayunga. Les artistes sculpteurs de Gitega disent qu'ils ont des problèmes variés car leurs œuvres ne sont pas protégées, ce qui pousse à ce que les initiateurs deviennent de plus en plus nombreux. Ils indiquent que cette situation fait qu'ils ne peuvent pas vivre de leurs œuvres. Le président de l'Union des jeunes maquettistes et plasticiens du Burundi, Adjamap, dit qu'ils sont en train de se concerter avec les organes habilités afin que la loi sur les droits d'auteur puisse entrer en vigueur. Les détails avec Arthur Kavabouchi. Ceux qui font les arts variés disent que leur travail n'est pas protégé, étant donné que même d'autres imitent ce qu'ils font à leur guise et vendent ce qu'ils ont copié. Ndataï Saba Prosper, président de l'association des jeunes de Tezimbelingo Mazuburundi dans la province Gitega, est un des artistes de carrière. Il indique que leurs œuvres ne sont pas à l'abri car beaucoup les imitent. Non, pas vraiment. Nous ne sommes pas à l'abri. Tout ce qu'on a entendu, c'est que le ministre avait pris les choses en main. En fait, on peut aller quelque part et préparer quelque chose, voyager pour voir une chose, réfléchir sur cela et le réaliser. En venant le vendre à cette place, il peut venir un artiste ou un peintre, le copier, puis le vendre comme il n'y a pas de loi. Il le vend. Cet artiste indique que cela leur pose un problème étant donné qu'ils payent les taxes et impôts sur leurs œuvres. Et oui, ça nous pose des problèmes car nous payons à la commune, à l'OBR et celui qui vend dans la rue vend peu cher car il ne paie pas de taxes communales, pas même à l'OBR. Et on se retrouve avec beaucoup d'œuvres non vendues. Il demande à l'État de mettre en place des lois qui protègent l'artiste et son œuvre. Nous demandons à l'État de mettre en place des lois qui protègent les artistes de façon que si nous réalisons une œuvre, qu'elle nous soit attribuée. Aaron Hatungimana, président de la JAMAP au niveau national, dit qu'ils sont en train d'approcher le gouvernement pour mettre en pratique la loi sur les droits d'auteur. L'artiste en soi, il doit avoir la valeur très suffisante, la valeur visible, parce que c'est son idée qu'il a produit. Donc d'abord, il fait la conception et puis il fait la reproduction de ce qu'il a conçu. Pour les protéger, nous allons rappeler aux gouvernants de mettre en exécution, de mettre en pratique la loi qui protège les artistes, donc le droit d'auteur. Vous saurez que tous les représentants provinciaux de la JAMAP se sont récemment rencontrés à Gitega pour voir ensemble comment enseigner les arts aux jeunes diplômés chômeurs. Depuis Gitega, Arthur Kavabouchi, Radio Isanganiro. Merci Arthur Kavabouchi. Cap sur Kayanza, où les habitants du chef-lieu de la commune Rango, en cette province, qui exercent des activités nécessitant du courant électrique, indiquent que cela leur permet de s'autodévelopper à partir du moment où ce centre a été alimenté en courant électrique en 2014. Deus Baba Rokubgayo, administrateur de la commune Rango, dit que depuis lors, il s'observe aujourd'hui l'augmentation des recettes dans la caisse communale suite aux recettes fiscales payées par la population à hauteur de 26%. Les détails avec Patrick Senghioff. Ces habitants du chef-lieu de la commune Rango et ses environs qui disent que l'électrification de ce centre leur permet de s'autodévelopper via les activités génératrices de revenus qu'ils réalisent sont principalement les propriétaires des moulins, des salons de coiffure et ceux qui pratiquent la soudure. Même les habitants de cette localité n'exerceront pas ces travaux, font savoir que son courant électrique leur est beaucoup bénéfique. Ceux contactés à ce sujet précisent qu'à titre d'exemple, avant l'alimentation de son centre en courant électrique, ils étaient confrontés au problème de communication par voie téléphonique car, expliquait-il, une fois leurs appareils déchargés, ils étaient obligés de parcourir de longues distances jusque dans d'autres communes environnantes ou même dans d'autres provinces comme Mouranzia et Gitega pour la recharge. La même population fait savoir que l'électrification du centre de Rango facilite également à leurs enfants la révision des cours. Ces habitants de Rango nous ont fait savoir également que la mouture de leurs produits agricoles, la suivi de l'actualité nationale et internationale, ne sont plus des problèmes comme c'était le cas avant en 2014. Toutefois, ces habitants déplorent les énormes tarifs des factures de la régie des eaux. À cet effet, ils demandent à cette société de disposer des appareils dits cash power afin qu'il leur soit facile d'interpréter les chiffres correspondant à l'énergie consommée. Au niveau de l'administration, l'on se dit réjouir de l'électrification de ce centre de Rango, ce qui permet le développement de cette commune. Deus Baba Hokubgayo, administrateur de la commune Rango, indique que l'alimentation du centre de Rango a permis l'augmentation des fonds qui entrent dans la caisse communale à hauteur de 26%. Depuis Kayanza, Patrick Nsengi va pour la radio Isanganiro. Isanganiro, la radio. L'association des boulangers artisanaux du Burundi s'inquiétait de la hausse du prix de la farine de blé et de l'huile de coton qui perturbait leurs activités. Dans une conférence de presse animée ce jeudi, la présidente de cette association craint la hausse du prix du pain cette année. Elle demandait à l'État de rendre disponibles des emballages biodégradables pour le pain. Le point avec Moïse Misako. Lors de cette conférence de presse, ces boulangers artisanaux ont déploré les mauvaises conditions dans lesquelles ils travaillent. Ces derniers ont indiqué que les prix de leurs matières premières, dont la farine de blé, sont à la hausse. Celui-ci est l'un d'entre eux. Nous travaillons péniblement. Je voudrais aussi vous informer que, à ce point même, plusieurs boulangeries sont fermées. Même nous qui sommes supposés continuer le travail très péniblement, sans toutefois avancer, tout en utilisant l'objet qui n'était pas prévu. Donc c'est toute une vie pénible et tout. C'est toute une vie pénible. À côté de ce défi, ces boulangers évoquent le manque des emballages biodégradables appropriés à leurs produits. Nous avions pensé que l'État lui-même qui avait préparé ça, il devait avoir tout préparé pour que tous les secteurs doivent être servis. Mais le grand problème, c'est que nous avons trouvé que, après avoir parcouru les entreprises qui fabriquent ces emballages, nous avons trouvé qu'il n'y avait rien qui a été préparé pour les pains. Alors, nous, il n'y a rien qu'on avait prévu. On attendait seulement que l'État lui-même qui avait pris cette décision. Pas de malchance, nous n'avons rien trouvé. Au sein de l'association des boulangers artisanaux, l'on craint la hausse du prix du pain. La présidente de cette association dit que certains boulangers ont déjà suspendu leur travail. Mariam Daisenga demande à l'État de réguler les prix de leurs matières premières pour éviter des spéculations. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Les prix des farines qui montent trop. Vous savez, quand tu travailles, quand tu n'as pas de route, tu ne peux pas cultiver. Pour la farine, ça monte beaucoup. L'huile aussi. Nous continuons à étudier comment nous pouvons faire. Mais quand même, avec le gouvernement, nous pensons comme ça. Quand on continue comme ça, nous allons monter le prix, mais le petit prix. Cette association des boulangers artisanaux a célébré pour la première fois la Journée mondiale du pain, une journée qui est célébrée chaque année le 16 octobre. Merci à Moïse Misago pour tous ces détails. Je vous le disais en titre, présentation en cours devant les deux chambres du Parlement réunies du plan annuel du gouvernement 2020-2021 par le Premier ministre burundais Alain Guillaume Wunyoni. Parmi ces grands projets présentés par le Premier ministre figure l'exécution des jugements rendus surtout en ce qui est de l'action récursoire qui concerne le ministère du Commerce et la sensibilisation des réfugiés burundais à rentrer qui concerne le ministère de l'Intérieur. Daniel Djelazendavirabe, président de l'Assemblée nationale, dit que le Premier ministre va présenter les réalisations de ses objectifs du gouvernement après 6 mois. Les détails avec Lini Bernibikita. Au cours de cette présentation du plan annuel du gouvernement devant les deux chambres du Parlement réunies, le Premier ministre dit que ce plan annuel se conforme au plan national de développement 2018-2027 ainsi que d'autres plans de développement au niveau mondial. Dans le secteur judiciaire, par exemple, Alain Guillaume Bugnoni précise que le Conseil supérieur de la magistrature sera réorganisé et les dossiers des jugements rendus seront mis en exécution. Concernant le ministère de l'Intérieur, la Sécurité et Développement communautaire, la promotion des coopératives se poursuivra, ainsi que la sensibilisation des réfugiés burundais se trouvant en exil à regagner le pays. Autre chose, mais qui concerne le ministère de la Défense, c'est l'identification et le bornage des propriétés militaires. Du côté des élus du peuple, Daniel Gelaz Nabilabe, président de l'Assemblée nationale, fait savoir qu'après les premiers 6 mois de l'année, le gouvernement va dresser le rapport des réalisations semestrielles suivant le plan annuel. C'est dans cette optique, Excellence, Monsieur le Premier ministre, que vous avez été invité afin qu'on puisse échanger sur la planification des travaux du gouvernement, car après 6 mois, nous allons encore une fois vous inviter pour présenter la réalisation de ces objectifs. Ces objectifs principaux du gouvernement sont à réaliser entre juin 2020 et juin 2021. Merci à Elini Bel et Nibigira. Bouclons ce journal par ces brèves. Le maintien en détention d'une personne acquittée ou sous liberté provisoire constitue une violation des droits de l'homme, comme l'indique Marius Roussoumo, secrétaire général de la CNDH. Ferdinand Badikwangana, procureur de la République à Tchangoudzo, voit une négligence, sinon une mauvaise foi, de la part d'un procureur qui n'aimait pas un mandat d'élargissement pour la libération d'un prévenu acquitté ou sous liberté provisoire. Il demande à ce genre de procureur de se ressaisir et de dire le droit. Les directeurs provinciaux communaux de l'éducation et directeurs d'école sont appelés à sensibiliser leurs élèves à mieux se préparer et se présenter dans le concours de dissertation qui est organisé chaque année à l'intention des élèves du 4e cycle de l'école fondamentale. C'est ce que dit la secrétaire permanente au ministère des Affaires étrangères, de la Jeunesse, Sport et Culture ce jeudi lors des ateliers de sensibilisation et d'échange sur le rôle et la place de ce concours pour le pays. Godefried Akidimana ajoute que ceux qui obtiennent plutôt de bons résultats sont primés ainsi que leurs écoles d'origine. Et une fouille archéologique est en train d'être opérée au site du grand ritualiste de Inangoni, en commune Gishubi de la province Gitega. La fouille vise l'exploitation et analyse des objets jadis utilisés par ces ritualistes. Selon professeur Eli Sadiki, archéologue préhistorien qui dirige l'équipe des chercheurs, ce travail vise la création d'un musée sur ce site, comme l'a constaté notre confrère Fidèle Antoine Saïmana qui a effectué un déplacement à Guichoubi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eli Kadog pour sa parfaite collaboration technique à la présentation. Vous étiez avec Evariste Ndzikobanyanga. Un bon après-midi à toutes et à tous.